sera ravi. Les toits à se renoir griffera. Clair, obscur, trouble de rature, trouvera. Chapitre 2. Kagami. Kagami avait été acceptée dans le coven le temps de sa formation. Lady Noire lui laissait jusqu'à l'équinoxe de printemps pour réussir à la vaincre en duel, après quoi elle perdrait sa chance. Le coven était régi par des règles très strictes. Tant qu'elle n'avait pas passé une initiation, Kagami n'était pas autorisée à participer au rituel, ni à accéder à la bibliothèque contenant les différents grimoires et ouvrages sur la magie. Ce n'était pas très grave. Elle n'avait pas le temps de se plonger dans la lecture pour le moment. À tous les matins, elle commençait sa journée par un entraînement complet, incluant des exercices de musculation, d'endurance et des pratiques de combat avec d'autres dames. Tout cela était suivi d'un bon repas, d'une séance d'étirement, puis d'une autre de méditation. Le temps extérieur qui se réchauffait était une motivation encore plus grande. En fin février, Lady Noire accepta de l'affronter une seconde fois pour se pratiquer. Kagami ne réussit pas à la toucher, mais le combat dura plus longtemps, et son opposante était visiblement essoufflée. « Bon travail !» la complimenta Lady Noire, en lui tendant une main pour l'aider à se relever. « Le jour de l'équinoxe de printemps, c'est vous qui serez à mes pieds !» affirma Kagami sans hésitation. La sorcière faisait souvent appel à des techniques similaires, et Kagami les avait mémorisées pour la plupart, s'entraînant à toutes les contrées. Elle ne se laisserait pas battre une troisième fois. « Je n'en attends pas moins d'une de mes futures dames, » rétorqua Lady Noire. Environ 2 semaines plus tard, la maîtresse l'appela pour sa première mission. Kagami ne comprenait pas. Elle n'avait pas encore eu son initiation. « J'ai besoin de ton aide pour gérer une nouvelle recrue, disons, récalcitrante. »« Je ne comprends pas, » admit l'escrimeuse. « Tu comprendras en temps et lieu. » Kagami se demanda brièvement si c'était un test pour évaluer sa loyauté, mais Lady Noire avait l'air préoccupée. Cette dernière les guida jusqu'à la même salle où Kagami avait été reçue au couvent. Une jeune femme blonde s'y trouvait, assise sur une chaise. Placée dos à l'entrée, seule sa longue chevelure était visible. Les rayons du soleil qui inondaient la pièce lui donnaient l'air d'avoir des filaments d'or sur la tête. Cependant, lorsqu'elles s'approchèrent, Kagami remarqua que ses poignets étaient attachés derrière elle, l'immobilisant contre sa volonté. Elle fronça les sourcils. Peut-être bien qu'il s'agissait d'un test de loyauté, finalement. Lady Noire s'installa sur son trône, ou plus exactement, son siège, et fit signe à Kagami de se tenir debout à ses côtés. « Bonjour, » salua-t-elle en direction de la supposée nouvelle recrue. « Je m'appelle Marinette, mais tout le monde ici m'appelle Lady Noire. Je suis la maîtresse du coven. « Et toi ?»« Je ne suis pas une sorcière, » répondit la blonde. « Je n'ai rien à faire dans un coven. »« Je t'ai demandé ton nom. » Elle déglutit, hésita, puis murmura. « Adrienne. » Lady Noire se releva et s'approcha au ralenti, cherchant à intimider la jeune femme. Elle prit son menton entre ses doigts, l'inclinant vers le haut jusqu'à ce que leurs regards s'affrontent. « Très bien, Adrienne. Voici Kagami, à ma droite. » « C'est la meilleure escrimeuse que tu vas rencontrer de ta vie, » dit-elle en pointant vers celle-ci, reprenant ses propres mots à son arrivée. « Je vais te détacher, mais si tu essaies de t'enfuir, elle va te ramener par la peau du cou. Compris ?» Adrienne hocha lentement la tête, la peur dans les yeux. « Gentille fille. » Fin du chapitre 2. « L'air obscur dans des ronds pas du tout. » Oh.